Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Rêver d'étoiles avec le CNES, une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Jean-Philippe Navarre. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que le Centre National d'Études Spatiales, le CNES, a 60 ans en 2021 et que ça nous a donné envie d'aller faire un tour dans l'espace en commençant par un passage en apesanteur pour tout le monde. Et dans vos oreilles aujourd'hui, des sensations inouïes, de la surprise, des consignes, un avion, le frisson de l'aventure et un dessinateur prêt à tout pour être au plus près de la réalité. Mais pour commencer, premier épisode... Ça débute par des cris de joie. Vol en 0G. Jean-Philippe Navarre, Lydia Ben-Itzrak. Je vais vous présenter rapidement aux instructeurs. D'accord. Neil, il est à l'ESA. Nice to meet you, I'm Neil. Thibaut n'est pas encore là, il est un petit peu X super-héros. Franck est notre chef instructeur. Typiquement, Sébastien travaille au CNES et Franck travaille comme médecin. Vous êtes médecin? Oui. C'est ça. Non, mais parce que je comptais vous interviewer par ailleurs, mais du coup... Il est docteur en médecine. On fait ce qu'on peut dans la vie. Franck Lehaut, vous travaillez pour qui en fait? Alors, je suis instructeur à Novespace, Novespace R0G, qui est, comme vous le savez, au départ, une société qui fait des vols en apesanteur pour la recherche scientifique. Depuis 8 ans, nous effectuons des vols de découverte de l'apesanteur sous la marque R0G et le prix du billet est en partie réinvesti pour réduire le coût des vols scientifiques. Donc le public vient, découvre ce que c'est que l'état d'apesanteur. Je crois que j'ai des passagers qui attendent à la porte. Bonjour. Bonjour, vous êtes des passagers Mars? Oui, entrez s'il vous plaît. On est 40 passagers dans l'avion, divisés en 4 équipes de 10. Mars, Jupiter, Saturne, Moon. Le but de cette rencontre est de se connaître avant de faire le vol de demain, d'essayer les tenues de vol, de poser toutes les dernières questions qui vous viennent à l'esprit, voilà. D'accord. Monsieur, bonjour. Oui. On vous a préparé une M, ça me semble pas mal. Vous paraissez un peu serré quand même. Ouais, je sais pas. Bon, vous avez un petit peu de plancher, mais elles sont conçues comme ça. Et vous êtes à l'aise quand vous pliez, quand vous faites des gestes? Vous n'êtes pas trop serré? Non, ça va. C'est vous qui allez voler, du coup? Oui, tout à fait, ça. Ah. Du coup, là, en fait, c'était mon cadeau pour mes 30 ans, en fait. J'ai toujours aimé l'espace, l'aviation. Je suis en train de faire une formation de pilote privé en parallèle, donc c'est un intérêt un peu global pour l'aéronautique, l'astronautique. Et puis, effectivement, le fait d'éprouver la sensation d'apesanteur, c'est quelque chose qui fait un petit peu rêver. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'on va faire. Hein. Pour ma part, ça fait 20 ans que je vole. Sébastien Rouquette. Donc, j'ai quand même accumulé un certain nombre de paraboles, quelques milliers. Eh ben, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de faire des paraboles lunaires, des paraboles martiennes, du 0G, voir vos visages s'éclairer à la première parabole en disant « Waouh, mais c'est ça, mais c'est extraordinaire !» C'est exactement ce qu'on cherche à partager avec vous. Voilà, quelques images. Jean-François Clairvoy. Ça vous donne une idée, là. Donc là, en apesanteur. Donc vous allez vivre presque 5 minutes d'apesanteur cumulé en plusieurs fois. Vous allez vivre la gravité martienne. Donc vous pesez toujours, mais moins que sur Terre. Un peu plus d'un tiers de la gravité terrestre. Vous pourrez faire des pompes sur un bras. Enfin, Franck va vous expliquer. On va leur expliquer le contexte, à quoi sert cet avion, mais aussi leur faire découvrir les possibilités offertes par l'apesanteur, que ce soit de flotter dans la cabine, de regarder le comportement de sphère d'eau en apesanteur, de s'asseoir au plafond de l'avion, chose qu'on peut faire difficilement chez soi, ou tout simplement de se laisser flotter en apesanteur, parce que c'est juste magique. Nous, en tant qu'instructeurs, notre rôle, ça va être de vous guider pendant le vol. On va vous proposer des activités. De faire des pirouettes, de voler comme Superman, de marcher sur la Lune comme l'ont fait Dupont et Dupont, ou Aldrin et Armstrong et leurs collègues. Marcher sur Mars, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans la réalité, donc vous faites partie de la fraction infime de terriens qui pourront dire « j'ai marché comme sur Mars ». Vous allez vraiment ressentir ce que ressentent les astronautes dans l'ISS, les astronautes qui ont marché sur la Lune et ceux qui, sans doute un jour, marcheront sur Mars. Il y a 2 ans, nous accueillions d'ailleurs Charlie Duke, qui a été l'un des marcheurs lunaires. Il était dans mon équipe, comme vous, ce soir, à 90 ans. Il est venu voler, il était comme un gosse. À la première parabole lunaire, son visage s'est illuminé et puis il a dit « Waouh, c'est comme il y a 50 ans ». Je vous présente Jean-François Clairvoy, astronaute. Salut, sœur. Vétéran de 3 vols dans l'espace. Comment ça va? Oui, très bien. Bon. Monsieur, votre nom? Philippe Franck. Ah oui, vous êtes le dessinateur de Largo Winch. Ça va venir pas se savoir. Et c'est vous qui l'ont envoyé? Ils vous ont obligé à faire le... C'est pas qu'ils m'ont obligé, c'est que je connais Jean-François depuis pas mal de temps. Il m'avait déjà proposé de venir faire un vol en apesanteur. Mais il se fait que cette année-ci, exceptionnellement, on envoie l'Argo dans l'espace. Un vol suborbital, exactement comme celui de Branson au mois de juillet, ou celui de Jeff Bezos un peu après. L'album sort l'année où ça se passe pour la première fois. Et comme j'ai dessiné une couverture où l'Argo est en apesanteur inversé, en position fœtale, on trouvait amusant de Et puis en plus, comme c'est Jean-François qui m'a donné tous les trucs et astuces pour ne pas dessiner n'importe quoi, parce que j'ai quand même jamais dessiné de navette spatiale, et puis jamais dessiné de personnage en apesanteur. Voilà, il m'a accompagné tout au long du bouquin, et on trouvait sympa de faire ce petit vol. Donc nous, notre travail, habituellement, c'est pas du tout de faire des vols de découverte. Moi, mon travail au quotidien, c'est de travailler au CNES, l'agence spatiale française. Je suis responsable du programme des vols paraboliques. J'organise la sélection et la préparation des expériences qui volent dans l'avion. On fait de la physiologie, de la biologie, de la physique des matériaux, de la physique des fluides, de l'astrophysique, un petit peu d'entraînement des astronautes, on va dire de la sensibilisation à l'apesanteur. On essaie de placer ces expériences en apesanteur pour les soustraire à ce qu'on vit là au quotidien et révéler des phénomènes qu'on ne peut pas voir sur Terre. Il n'y a pas d'autre moyen d'opérer ces expériences et de faire ce travail de recherche fondamentale que de les envoyer dans cet avion ou dans la Station spatiale internationale. Donc ça, c'est notre métier au quotidien. Je m'occupe aussi de développer des expériences d'un astronaute dont on entend parler un petit peu en ce moment, qui est Thomas Pesquet, et avec l'équipe au sein de laquelle je travaille, le service s'appelle le CADMOS, c'est le Centre d'aide au développement des expériences en micro-pesanteur. Vous voyez, donc ça explique parfaitement ce qu'on fait, c'est qu'on développe les expériences pour les laboratoires de recherche académiques en France, on les envoie dans l'ISS, et on les opère depuis notre salle de contrôle, pour permettre aux scientifiques de faire leur travail. Moi, je suis agent de sécurité sur le site. Je connais tous les scientifiques, donc ils m'ont dit « ça t'intéresserait pas de voler pour nous ?» Je n'allais pas dire non. Donc. Frédéric Béraud, alors oui. Vous avez déjà volé en apesanteur. Oui, 2 fois. Vous avez servi de cobaye. J'ai servi de sujet humain pour des manipulations à but cognitif, en fait. Ah, d'accord. Pour des neuroscientifiques qui venaient pendant les campagnes donc, scientifiques, avec des capteurs un peu partout pour analyser l'électricité dans mon cerveau, la circulation, pour potentiellement un voyage sur Mars, en fait, pour analyser, pour plus tard, pour les astronautes et tout ça. J'avais des jeux à faire sur une montre mathématique que j'ai testé au sol, en 0G, que j'ai testé dans l'avion et que j'ai refait après. Et après, ils font une analyse de tout ça, quoi, pour voir le comportement. C'était des calculs? Il y avait calculs mathématiques. Sur la deuxième manip, j'avais une lunette en 3D, j'avais un personnage qui lui était à l'inverse, mais il fallait que je me mette à sa place puisqu'il n'y a pas de dimension dans l'espace et que j'analyse sa gauche, sa droite, son haut, son bas suivant le scénario qui était devant moi. J'avais une souris et puis une tablette et puis il fallait que je clique sur un... Et la souris et le clavier, ils ne volaient pas dans tous les sens? Non, c'était sanglé sur ma cuisse. Ah, d'accord. Moi, je montais un peu, j'étais sur un siège sanglé, je montais un peu parce que je le sentais bien, le 0G, quand ça passait. Ah, vous n'étiez pas en libre... Non, d'accord. Pas pendant la manip. Après, vu que c'était 15 paraboles libres et 15 paraboles pour les scientifiques... Après les 15 parabolivres, j'ai pu aller dans la zone. Il y a une zone dans l'avion qui est détachée pour faire un... Parce que vu qu'il y a des manips, sinon, faut pas tomber sur... On est sanglé dans la zone où il y a les manips pour pas se faire mal, nous, ou abîmer des manips si on tombe. Enfin, on repasse en 2G. Alors, qu'est-ce que vous avez appris avec ce retour? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben, qu'on était bien différents tous. On avait l'impression de faire tous la même chose, mais en fait, d'après le résultat, c'était complètement différent d'un personnage à l'autre. Mais avec tous les facteurs de 0G, de 2G, de 1G, le cerveau est un peu perturbé. Ce qu'on se trouverait en 3 secondes, peut-être sur Terre, on met un peu plus de temps, déjà, ne serait-ce que par la nervosité, devant le stress. Et c'est pour ça que des fois, ils cherchent des primo-volants. Franck Léo, vous êtes médecin. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer physiologiquement l'effet de l'apesanteur sur le corps humain? Je dirais que l'apesanteur, autant elle est ludique, quand on se retrouve en état d'apesanteur, c'est une joie profonde. Tous nos passagers applaudissent, poussent des cris de joie dans l'avion. Et c'est quelque chose qui vraiment, alors peut-être nous renvoie à notre enfance, on n'arrive pas bien à en trouver la définition, mais qui rend profondément heureux. Donc l'apesanteur, c'est ludique, mais en même temps, c'est très destructeur pour notre corps. Parce que depuis la nuit des temps, depuis que l'humain est sur Terre, nous sommes façonnés par la gravité. Et dès qu'on se retrouve en apesanteur, on n'a plus à lutter contre la force de notre poids qui nous plaque au sol. Donc nos muscles s'atrophient, notre squelette se décalcifie, tous les organes sont impactés. Le système immunitaire souffre en apesanteur, des infections se réactivent et puis on se défend moins bien. La vision baisse en apesanteur. On est en train aussi de comprendre que peut-être au bout de quelques années de voyage dans l'espace, on deviendrait peut-être presque tous diabétiques, parce que on observe au bout de quelques mois en apesanteur qu'il y a une résistance à l'insuline au niveau des cellules musculaires, par exemple, qui fait que le glucose, qui est le substrat énergétique musculaire, va rentrer moins facilement dans les muscles et s'accumuler davantage dans le sang. Le cœur se ratatine un petit peu, enfin vous voyez. Alors c'est une adaptation à un nouvel environnement, on n'en souffre pas dans l'espace, mais on a intérêt lors du voyage spatial à se préparer au retour sur Terre. Sinon on devient complètement incapable de se tenir debout et puis de faire face à la gravité à nouveau. Quand on est sur Terre, en pesanteur terrestre, la majeure partie de notre volume sanguin et de tous nos liquides corporels se situe à la partie basse du thorax et plus bas. Et quand on passe en apesanteur, le sang et les liquides corporels ne sont plus attirés vers le sol, donc vont se redistribuer uniformément partout dans le corps. Et donc forcément, il va y en avoir un peu plus à la partie haute du corps qu'en temps normal. Et ce liquide en excès, il va un petit peu chercher son chemin. Le corps interprète ça comme un excès de sang, en quelque sorte. Donc, va déclencher éventuellement un peu d'urèse, c'est-à-dire faire uriner un petit peu pour perdre un petit peu de sel et d'eau. Mais au total, il y a 2 litres de liquide qui vont s'accumuler dans les tissus interstitiels, c'est-à-dire en dehors des vaisseaux, et donner aux astronautes ce qu'on appelle en anglais puffy face, un visage bouffi. Donc, si vous voyez la photo d'un astronaute avant et pendant son vol spatial, il est bouffi. Mais je tiens à vous dire que lors d'un vol de découverte de l'apesanteur, comme on va faire demain, il n'y a pas de modification importante au niveau du corps humain. Il y a des petites choses transitoires. Par exemple, si on regardait nos veines jugulaires demain en état d'apesanteur, on les verrait saillir un petit peu. C'est le signe que le sang remonte. Mais tout ce qu'on va vivre demain sera totalement réversible et il n'y aura pas de conséquences embêtantes. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est d'où vous venez, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce vol? Allez, qui commence? Moi, pourquoi? Parce que premièrement, d'abord, il m'est arrivé un truc l'an passé. J'ai failli ne plus être là avec vous cette année, puisque je suis une victime de la Covid, la première vague, voilà, en mars dernier. Donc, j'avais décidé quand même de venir avant, mais ça n'a fait que renforcer effectivement ce que je voulais faire. À l'époque, lorsque je fus jeune, j'ai loupé peut-être de faire Salon de Provence. J'ai toujours eu dans la tête un petit peu de m'envoyer en l'air, surtout avec beaucoup de gens. Mais non, en étant très sérieux, j'ai toujours aimé les choses qui volent. La pesanteur, je ne connais pas. Ouais, disons que bon, pour moi, c'est une énorme surprise, puisque ça a été un cadeau pour mes 60 ans. Hein, on ne va pas cacher son âge. C'est vrai que bon, je m'intéresse à l'astronomie depuis tout petit, puisque j'ai fait mon premier télescope autour de 12-15 ans. Hein. Bonjour à tous, Claire et Vincent. On est passionnés de tout ce qui est sport mécanique, etc. On aime les sensations fortes. On fait du saut en parachute. Et donc Vincent m'a entraîné dans cette aventure. Je te laisse prendre la parole. Ça fait quelques années qu'on vous suit. Pour ma part, très attiré par tout ça. Effectivement, on ne connaît pas l'apesanteur, mais on connaît la chute libre pendant plus d'une minute. Ouais. dans le ciel total, en liberté totale, en volant, on s'est volé, on s'est déplacé d'un point à un autre sur plusieurs kilomètres d'horizontale et avec beaucoup de proximité, de vitesse et de contact en toute sécurité, mais on connaît pas l'impesanteur, donc on était très attirés par ça, et nous voilà. Bonjour, je m'appelle Sylvain, je viens de Nantes, et moi c'est d'avoir un rêve de gosse. J'ai mon brevet de pilote, j'ai mon télescope, moi aussi, je fais du ciel profond, etc. Voilà, donc je rejoins mes collègues dans certaines passions. On vient pas ici juste pour se dire, ou très rarement, hein, pour se dire, oh, j'ai envie de faire un truc, là, je m'ennuie un petit peu. Faire un truc un peu sympa, qu'est-ce que je peux faire ce week-end, je vais faire un vol parabolique, bon voilà. Margot. Comme monsieur, c'est un cadeau d'anniversaire. J'ai des parents géniaux qui cherchent toujours des cadeaux improbables. Et en fait, j'ai mon frère qui a fêté ses 30 ans il y a 2 ans et qui a eu ce cadeau. J'étais un peu jalouse. Et donc du coup, je pense que mes parents se sont dit, alors, on va en faire une tradition familiale. En 3 semaines, j'ai fait parachute, parapente et ça. Je trouve que c'est un peu too much, mais bon, je suis quand même là, quoi. Encore un cadeau d'anniversaire à venir, Non, ouais. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Je suis étudiant à l'Observatoire de Paris. J'ai toujours adoré l'astronomie. Et c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même, parce que je viens d'avoir une petite fille. Et voilà, j'étais tellement content que, comme ça faisait des années que je rêvais de faire ça, je me suis décidé à franchir le pas. On termine le... Moi, je suis la typique, celle qui, justement, fait ça parce qu'elle n'avait rien à faire. Je peux pas y croire. Alors, je m'appelle Claude Valéry. En fait, j'ai rencontré Thierry il y a 2 ans de ça. Il m'a parlé de ce machin-là qu'il allait faire et tout. Et je lui ai dit, mais c'est quoi? Ça existe, c'est incroyable. Mais oui, j'en ai envie. Est-ce que je peux le faire avec toi? Et aujourd'hui, je suis là. Merci, Thierry. Eh bien, merci pour ce petit tour d'horizon et pour le vivre avec nous également, Jean-François Clairvoy. Merci Sébastien. So how many of you are here to attend from the ground? Oui, pardon. Combien d'entre vous sont là comme accompagnants et non volants? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, donc vous reviendrez plus tard, hein, c'est ça qu'on disait tout à l'heure. Alors, Sébastien, vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc je vais peut-être répéter, mais moi, ce que j'aimerais que vous reteniez d'abord, c'est que cet avion, c'est un laboratoire de recherche. C'est un lieu de travail pour professionnels qui font avancer la connaissance dans tous les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, animale, végétale, physiologie humaine, etc. Et vous bénéficiez de quelques rares vols par an, c'est 4 ou 5 vols par an, au cours desquels vous êtes votre propre expérience. Mais notre avion, il n'a pas été conçu comme parc d'attractions. Sachez que tous les bénéfices de votre ticket servent à financer plus de recherches scientifiques. Novespace ne fait pas de bénéfices sur ses vols. Voilà. Sachez qu'on compense aussi les gaz à effet de serre. On brûle du kérosène quand même. Mais on ne fait que 30 vols par an. C'est 100 fois moins qu'un avion de ligne. Mais quand même, on cotise au GRS, qui est une organisation qui œuvre pour l'environnement en Afrique, etc. Retenez aussi que... Je ne veux pas vous entendre parler de simulation. Hein. C'est de la vraie apesanteur. On met littéralement l'avion sur un arc orbital terrestre. Hein. Qu'est-ce que l'apesanteur ou impesanteur? Ça veut dire la même chose. Ça n'est pas l'absence de poids. Ça n'est pas l'absence de gravité, en tout cas. Et pour le comprendre, n'oubliez pas, quand vous grimpez dans l'avion, de lire un texte d'Einstein qu'on a peint sur la porte de l'avion, qui dit un truc du genre... Me vint alors la pensée la plus heureuse de ma vie sous la forme suivante. La gravité n'a qu'une existence relative. Ainsi, pour un observateur qui tombe du toit d'une maison, il n'existe pour cet observateur, le temps de sa chute, aucune gravité. Au sens d'Einstein, au sens de la relativité générale, la gravité n'est pas une force. Ça courbe l'espace-temps. Donc la trajectoire naturelle, elle est courbe. Elle est pas, mais voilà, on est soumis à aucune force. Dans notre avion, on va vous proposer de faire des paraboles de 20 à 25 secondes en impesanteur, de 28 secondes en pesanteur lunaire et de 35 secondes en pesanteur martienne. Alors l'impesanteur, on peut la faire, hein, on peut la recréer sur Terre. Si vous sautez d'une chaise, vous allez vivre quelques microsecondes en impesanteur. C'est très difficile d'apprécier la sensation, hein, ou plutôt l'absence de sensation. À la première parabole en 0G, vous êtes tellement perdu que vous avez tendance à avoir le réflexe natatoire, donc vous allez nager. C'est inefficace et ridicule. Mais ça, c'est pas grave, hein, ça tue pas. Par contre, vous pouvez balancer un coup de pied ou un coup de poing à la figure de quelqu'un, c'est pas très agréable. C'est aussi la raison pour laquelle on va vous donner des chaussettes. Ça permet d'éviter les marques de semelles sur le visage. On y va, cool. L'image, stop, c'est... Il y a du monde partout. Bon, ça, c'est aussi très amusant pour nous, parce qu'en fin de parabole, il faut vous récupérer. C'est pas forcément facile pour vous, dès le début, de pouvoir vous orienter correctement à la fin d'une parabole. Donc on est là pour vous mettre en bonne posture avant la fin de la parabole. Les transitions, elles durent 2 à 3 secondes, donc on a quand même du temps, soyez pas stressés avec ça. Mais nous, on va traverser la zone régulièrement pour venir vous mettre dans le bon sens, à la matrix. Tout s'arrête et nous, on traverse, on vous positionne correctement et vous faites un bel atterrissage. C'est le seul avion au monde avec trois pilotes qui agissent chacun sur leur commande. Il y a un pilote qui se charge que du nombre de G, c'est ce qu'on appelle le tangage. Il cabre l'avion, il fait piquer l'avion. L'autre agit uniquement sur le roulis pour maintenir les ailes à peu près horizontales. Et un troisième pilote au milieu qui n'agit que sur la puissance des moteurs pour équilibrer en permanence la traînée. Et comme ça, c'est une action qui ne demande pas autant de concentration que les deux autres, c'est aussi ce pilote qui garde un œil sur l'ensemble des systèmes. Mais vous êtes pilote. On est quatre. On s'élance à 20 000 pieds. On cabre l'avion jusqu'à 25 000 pieds. Donc là, on est en hypergravité à 1G8, typiquement. Et à partir de 25 000 pieds, on injecte. Ça veut dire qu'on se place sur une micro-portion d'une orbite extrêmement allongée qui nous ferait faire un petit bout d'orbite, c'est ce qu'on appelle la parabole, entre 25 000 et 28 000 pieds. Ça ne va pas très haut, hein. Ça fait 1 km d'épaisseur en tranche d'altitude. Et pendant ces de 25 à 28 000 pieds, on fait notre portion de parabole qui dure une vingtaine de secondes, un petit peu plus en général. Et puis ensuite, on refait une ressource parce que, comme je me plais à le dire, pour faire 20 secondes de parabole, donc de plaisir, de trucs, la partie élaborée, eh bien, il faut 2 fois 20 secondes de mise en place et de retour, c'est-à-dire c'est pas du déplaisir, mais c'est de l'hypergravité où on est plutôt à 1G8 qu'à pesanteur normale. Ah oui, vous ne dépassez pas 1G8. On ne dépasse pas trop 1G8. Si on s'aperçoit qu'on est un petit peu rapide sur la descente, on peut aller jusqu'à 2G. L'avion est certifié jusqu'à 2G5. Alors comment vous faites pour calibrer le poids de Mars ou de la Lune pour être vraiment pile dans la bonne fourchette? On pilote à l'accéléromètre. Quand on veut 0G, on dit qu'on pilote 0. Quand on veut Mars, eh ben on dit qu'on pilote 0,38G. Voilà, c'est un ruban qui est gradué. Mais le maintenir stable, c'est pas un peu complexe? Ah ben le maintenir stable, c'est nous qui faisons le boulot, quoi. Voilà, c'est aux manches, en profondeur, en étant relativement souple. Et voilà. Hein. 1 minute parabola 29. C'est les limites de l'espace aérien qui font qu'on ne fait pas les paraboles plus longues, parce que finalement on pourrait peut-être aller plus haut et descendre plus bas. Alors là par contre c'est typiquement les limites de l'avion. Au cabré de l'avion, l'avion il est à 5 nœuds, donc 10 km/h, de sa vitesse maximale. Ah ouais. Donc là on ne peut pas aller plus vite. Le pilote cabre. Il a combien d'assiettes? Ah oui, à peu près 50 degrés au maximum. On s'approche un petit peu de la limite en facteur de charge de l'avion, la limite structurelle. Le pilote annonce le début de la trajectoire parabolique. Donc là, il injecte l'avion sur la trajectoire balistique. Donc il annonce injection. On arrive au sommet de la parabole à une vitesse qui est inférieure à la vitesse de décrochage de l'avion. Mais on s'en fiche puisque on ne vole pas. On est en 0G. Donc l'avion ensuite bascule, replonge à 50 degrés, nez vers le bas. Donc comme disait un pilote... du 0G, il disait quand je tire sur le manche les maisons deviennent petites, quand je pousse sur le manche les maisons deviennent très grosses, et il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Bon, mais là typiquement c'est 50 degrés nez vers le bas, on a l'impression qu'on est à la verticale. Donc l'avion, ah oui dans le cockpit c'est quelque chose. Donc là l'avion reprend de la vitesse, il reprend très vite de la vitesse, et il va falloir récupérer l'appareil, donc ressource de sortie 1,8G, on revient à l'horizontale, avec une vitesse proche de la vitesse maximale de l'avion. Vous voyez, on joue vraiment dans les coins du domaine de vol. Et cet avion-là, il a un plafond technique opérationnel qui est aux alentours de 13 km. Évidemment, dans les essais en vol, ils ont expérimenté des paraboles à différentes altitudes. Et là, c'est la tranche dans laquelle on a la meilleure efficacité aux gouvernes, parce que plus haut, les gouvernes sont moins efficaces. Plus bas, il y a plus de densité de l'air, donc on traîne plus. Donc là, c'est la meilleure tranche pour garantir la meilleure efficacité et le plus long temps de vol, ce qu'on appelle le temps d'impesanteur, qui est de 22 à 25 secondes. Comment vous faites pour que le kérosène ne se mette pas en apesanteur ? Heureusement, il y a des pompes à carburant. Alors, la seule problématique, ça peut être la lubrification. Mais, chance, ces moteurs sont qualifiés pour avoir un fonctionnement optimal sans lubrification pendant plusieurs dizaines de secondes. Donc, tout marche parfaitement et on n'a pas de soucis. Alors, il y a quelques alarmes qui s'allument, évidemment, dans le cockpit, mais qui ne sont pas des alarmes de danger imminent. C'est des alarmes d'attitude de l'avion ou de, justement, de système hydraulique. Et c'est le rôle des pilotes que de vérifier que ne remontent pas des alarmes anormales. Donc c'est un vrai travail complexe, fatigant dans le cockpit. Et alors, à l'heure qu'il est, je pense qu'ils sont au lit déjà. Non, je pense pas, non, en réalité. Non. Demain matin, le petit-déj normal, 7h30, rendez-vous pour prendre la navette. Une prise de température pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Vous arrivez à Novespace déjà en tenue, les chaussettes de vol dans la poche. Si vous avez des objets, par exemple, à emporter, des petites mascottes, doudous, des petits objets, il faut que je le sache le plus tôt. Ça nous permet d'être sûr que ce que vous emmenez est autorisé. Une fois que vous êtes à Novespace, 8h30, on va au briefing. Suite à ça, je vous distribuerai une petite médication. Faites pas les timides, hein, prenez-la. Ça vous garantit d'être en parfait état de fonctionnement demain pendant le vol. Voilà. Il peut persister un léger risque, mais c'est très rare. C'est pas du tout comme la légende urbaine veut que dans cet avion ou dans ces avions, tout le monde soit malade. C'est totalement faux. On ira ensuite à l'avion, on va s'asseoir sur nos sièges et on va attendre le départ. Sur Terre, on définit notre position par rapport à la gravité, par rapport à l'environnement, avec plusieurs capteurs, notamment tous les capteurs de position qu'on a dans nos articulations, nos muscles, en concordance avec notre système visuel et en concordance avec le système vestibulaire, dans l'oreille interne de l'équilibre. En apesanteur, on n'a plus les capteurs musculaires et articulaires qui fonctionnent, tout est perturbé. On n'a plus non plus une certaine partie des capteurs vestibulaires. Et donc, il y a comme un conflit d'informations, parce que certains capteurs vont vous dire « j'ai le bras ou la jambe dans telle position » et d'autres ne confirment pas. La vision va vous donner des informations opposées à ce que vous dit votre oreille interne. C'est stressant pour le cerveau et ça déclenche le mal des transports. Mais ce n'est qu'une adaptation, le temps que le cerveau fasse surtout confiance à la vue pour le positionnement du corps. En pratique, on observe qu'au moins 50% des astronautes arrivant dans l'espace sont sujets au mal de l'espace, le plus souvent pour une durée brève qui est inférieure à 48 heures, et dans de rares cas qui est plus longue. C'était quoi l'histoire, là? Vous parliez de la légende urbaine. Ah oui, alors la légende urbaine, c'est le fait que tout le monde soit malade. Aux États-Unis, il y a eu cette légende qui s'est propagée dans les années 90. Ils avaient tendance, les Américains, à faire des vols touristiques un petit peu remuants, en fait, avec des paraboles qui n'étaient pas de très bonne qualité. Donc ça remuait les gens, et les gens étaient plutôt malades. Voilà. Donc là, ils ont appelé leur avion, enfin, c'est pas la NASA qui a appelé leur avion comme ça, c'est les gens qui venaient partager ces vols ont appelé l'avion le vomi de comète. Vomi de comète. C'est l'horreur. Et donc ça suit l'histoire des vols paraboliques, y compris chez nous. Tom Cruise, quand il est venu voler avec nous, il a raconté que tout le monde était malade sauf lui. C'était faux. Et donc la dernière en date, c'est la mondaine, hein, qui vient voler avec nous sur une campagne scientifique. 30 paraboles. Et la deuxième parabole, caméraman et journaliste, en vrac. Mais les deux, pas bien. Ils étaient tellement stressés avant le vol. Ils n'ont pas dormi. Ils sont arrivés à l'arrache. Ils étaient bouillants au sens littéral du terme. Ils sont arrivés, prise de température, 38,5. Ah là, vous n'allez pas voler. Mais comment je vais faire mon reportage? Donc, un état de stress tel qu'à la deuxième parabole, ça ne s'est pas bien passé. Alors, effectivement, j'ai repris la caméra et c'est moi qui ai fait le reportage. Voilà. 15 millions de vues. À autodérision totale. Ils ont joué le jeu. Hein. Encore une fois, aucune inquiétude. Hein. Vous ne serez pas confronté à ça demain. Hein. Vous étiez étiez présent pendant le tournage avec Tom Cruise. Comment ça s'est passé? Oui. Moi, j'étais content d'être là parce que j'en ai pris plein les yeux. 30 camions qui débarquent avec les décors, les food trucks, les techniciens qui sont là pour mettre en place les décors, l'équipe de tournage, et puis Tom Cruise qui débarque avec sa voiture, qui vient dans son van personnel, entre son van personnel et son van de salle de muscu, qui joue la star comme il sait le faire et comme on l'imagine tous, et une semaine de vol comme aujourd'hui, un temps magnifique, des vols extraordinaires, et une séquence qui est d'anthologie malgré tout, même si le film, on peut être très critique sur le film lui-même, la séquence elle-même, elle est géniale et elle est unique au monde. C'est la scène introductive du film. C'est un avion, C-130, qui vient de récupérer un sarcophage et qui rentre au pays. Et là, les éléments se déchaînent. Parce que c'est un sarcophage hanté par un démon. Et le C-130 va se crasher. Mais au cours du crash, l'avion est en chute libre et les occupants se retrouvent en impesanteur. Alors bien sûr, on peut faire ça en studio à la façon Gravity. Comme ça, vous savez. Le truc ridicule que personne ne fait, même pas vous, demain. Vous verrez, c'est encore plus ridicule que nager. Là, Tom Cruise dit à son producteur, je veux le faire en impesanteur. Caprice ô combien salutaire, parce que la scène en 0G, elle est géniale. Il tourne dans tous les sens dans la cabine. C'est la momie. Oui, c'est aussi simple que ça. Et en fait, l'avion va se crasher. Il arrive dans la zone dans laquelle il y a le sarcophage. Il attrape sa collègue pour lui passer un parachute. Il met son parachute. Il tourne comme ça dans la carlingue et sort par la porte qui a été arrachée. Et cette scène-là, qui dure une trentaine de secondes, elle est tournée dans notre avion. Mais il y a eu des vols de repérage avec l'équipe de cascadeurs pour déterminer si c'était possible ou pas, pour essayer de découper la scène et déterminer comment enchaîner les actions. Et quelques vols de prise avec Tom Cruise, qui, on peut tout dire sur l'acteur, est un véritable professionnel. Il a non seulement joué le jeu, mais il était dans la même situation que vous au départ, à savoir, il n'avait jamais connu l'impesanteur. Et il est passé de ce statut de novice total à expert en quelques paraboles pour pouvoir faire sa scène, faire son travail, aller chercher les parachutes, accrocher les parachutes et s'éjecter de l'avion pour rentrer à la maison sous parachute. Ce qui est difficile, c'est de revenir en fait, c'est le retour sur Terre. Mais comme on disait au début, c'est que l'organisme s'est déconditionné, désadapté à la pesanteur terrestre. Et c'est pour ça, quand on revient, si on se met debout, on n'a plus assez de sang qui monte au cerveau, donc on ne tient pas debout. Le système de l'équilibre au niveau de l'oreille interne, il a été complètement perturbé. La masse musculaire, elle a fondu. La posture s'est modifiée. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on arrivera sur la planète Mars pour la première fois, on sortira peut-être pas probablement planter le drapeau et ramasser quelques cailloux une heure après s'être posé. On va peut-être, après 6 mois de voyage, attendre un jour ou deux avant de sortir. Mais voilà, les astronautes doivent faire de l'exercice physique à bord. C'est pour ça qu'ils font 2 heures d'exercice physique chaque jour pour limiter ce déconditionnement à la pesanteur terrestre et pour être relativement en forme en revenant. Mais vous avez vu Thomas Pesquet, quand il est revenu de son premier vol, il se tenait debout très rapidement dans les 2 heures qui suivaient son atterrissage. Il y a le médecin qui va pas tarder à arriver. Il fait une prise de température. Si elle est un petit peu au-dessus de 38, on met la personne pendant 15 minutes de côté. Parce que voilà, on sait que là, par exemple, il y a des gens qui vont peut-être un peu courir, qui sont un peu stressés. Mais jusqu'à présent, tout le monde a passé le test. Là, j'ai vu, Océane, qu'il y avait des gens de toutes les nationalités, en fait. Oui, on a au moins un groupe à chaque fois qui est anglophone, donc au moins 10 participants. Actuellement, ça reste très européen, des Allemands, des Suisses, des Espagnols, des Slovènes, des Anglais, Italiens aussi. Ça fait toujours plaisir de voir qu'on peut rayonner dans toute l'Europe au moins, avoir des astronautes d'un jour d'horizons différents. Bon, ça va, tu fais pas trop dur le réveil matinal? Non. Après, moi, hier, je me suis bien endormie. Après, c'est vrai que ce matin, on est un peu excités, puis un peu, on se demande un peu quand même ce qui va nous attendre. Donc, non, j'étais bien réveillée, moi. Je me suis dit à 6h, peut-être ça va être un peu dur. Non, pas du tout. J'ai mon doudou que j'ai eu le jour de ma naissance, qui ne ressemble plus à rien, qui a donc 30 ans également. et qui était un doudou que j'avais dans ma combinaison de ski quand j'étais petite et que j'avais peur d'aller skier. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de remettre dans une combinaison. Bonjour. Je sais pas si vous êtes déjà prêt, mais oui. Le bus, lui, il l'est. Je vous accompagne parce qu'il faut que j'aille prendre les températures des gens. Bonjour. Je commence par vous, tiens, je vais mettre ça, je vais checker les températures de tout le monde. 3, 6, 3. C'est vrai, ça se tient, vous avez incubé ensemble. 36-3, il y a une homogénéité ce matin. C'est étonnant. Comment ? On est dans la même ligne, on est ensemble. D'accord. Bonjour. Alors, vous avez tous le même nom. Ouais. C'est pas trop. Carrément. Tous les deux, là, je me dis. Vous voyez pas d'âge. Ouais, c'est vrai que la literie, elle est bien à l'hôtel. Ouais. C'est vrai qu'elle était là. Ouais, c'est vrai. Vous êtes arrivés, merci de prendre tous vos bagages avec vous. Vous just arrived, take your all your luggage with you. Bon, c'est le petit matin là et on voit l'avion R0G là qui est remarquable sur le tarmac. Pas de rêve bizarre, tout ça, non ? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, tranquille. Zen. Je suis content. Les liquides, en fait, c'est Jean-François qui va faire éclater un ballon. C'est une sorte de ballon de baudruche. Là, hein. On éclate le ballon et la boule se forme. Et alors là, après, elle vit sa vie. Hein. Elle peut se disloquer un petit peu, se balader, aller s'éclater au plafond, au sol, venir vers vous. Enfin, c'est très amusant. J'ai l'impression que c'est un être vivant. Il ouais, faut pas rester en dessous à la fin de la parabole. Quoi. Non, mais ce qu'on vous dira aussi, c'est qu'il ne faut pas aller taper dedans. Parce que alors là, il y a des milliards de gouttes. Après, c'est l'enfer à nettoyer. C'est de l'eau colorée, en fait. Donc, il n'y a pas de danger. Hein. On pourrait même la boire. Des choses sympas aussi qu'on ne peut pas faire là, c'est la flamme. J'avais fait ça avec un youtubeur américain. Il voulait montrer ce que fait l'absence de pesanteur sur une flamme. Donc on a la flamme en pesanteur normale, évidemment, qui a sa forme habituelle. Et puis dès qu'on est en 0G, la flamme, elle se réduit, elle devient toute bleue, toute petite. On a l'impression que c'est éteint. Et puis à la fin de la parabole, hop, ça repart. Donc il y a des expériences sur la combustion qui viennent régulièrement voler avec nous. C'est pas juste un allume-gaz comme ça et on regarde, mais c'est... Ouais, absolument. Ouais. C'est, bah, voilà, on essaie de comprendre la physique en fait de la combustion. Ce qui fait ça, c'est qu'une flamme au sol, en pesanteur normale, l'air chaud a tendance à se détendre, donc il monte, il appelle de l'air froid qui arrive par-dessous, ça crée une convection. Ce mouvement convectif évacue le CO2 et ramène du dioxygène. Donc la flamme s'entretient comme ça. Et par ailleurs, ce mouvement de circulation fait que la combustion elle est un peu incomplète parce que le mouvement de circulation fait échapper le combustible. Et donc, il y a un petit peu la flamme jaune et puis éventuellement un peu de fumée. Lorsqu'on est en impesanteur, la flamme, il n'y a plus de convection. Donc, la flamme, elle va consommer le dioxygène qui est autour et va se créer une coque de CO2. Elle fonctionne à l'économie, quelque part. Voilà. Donc, la combustion est parfaite parce que tout ce qui est autour, toutes les molécules de dioxygène brûlent. Le CO2, bah lui, bah, il reste là où il est, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il s'évacue. Il n'y a plus de mouvement dans l'atmosphère. Et si on souffle sur la flamme, elle se réactive. C'est assez joli à voir. Ça fait partie des manips qui sont sympathiques, ludiques et assez didactiques pour comprendre les effets de la pesanteur ou de l'impesanteur sur la matière. Mais tout est testé ici. Il y a même les Chinois qui sont venus tester leur WC pour mettre sur leur station spatiale là-haut. Il y a du quantique, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a de la biologie... Et les manips scientifiques qui vont dans l'ISS, elles viennent souvent ici avant d'être montées là-haut. Ce qui arrive souvent, c'est justement les appareils qui ont des aiguilles. C'est comme ça, l'aiguille ne se comporte pas du tout de la bonne façon quand il n'y a plus la gravité. Il y a des manips, elles viennent, tout marche nickel. Mais il y a un truc qu'ils n'avaient pas pensé, qui se retrouve que ça ne marche pas. Quand vous dites l'aiguille là-haut en 0G, du coup, ça altère un peu leur résultat. Juste pour un petit détail qu'ils n'avaient pas pensé. Que ça. Donc du coup, il faut vraiment penser à tout. Quoi. Que là, la première parabole, s'il y a un couac, eh bien, ils peuvent juste pour que les autres paraboles ne soient pas perdues. Quoi. C'est ça qui est bien avec cet avion-là. Il y a une manip médicale qui vient des Bretons pour qu'un astronaute puisse faire une microchirurgie avec un autre astronaute avec une lunette en 3D avec un vrai chirurgien sur Terre qui lui dit Ouais, ouais, il y a de tout, quoi. Du médical, il y a du quantique, il y a du physique, il y a de la recherche fondamentale. Pour info, il y a même une copine qui travaillait à la NASA maintenant, c'était venu une expérience sur les épinards, les pousses d'épinards. Ça paraît anodin comme ça, mais c'est la première sur Mars qu'ils amèneraient, parce que ça fait beaucoup de chlorophylle et de photosynthèse pour l'oxygène de l'air, et puis c'est un bon aliment, donc potentiellement, ce serait des aliments qu'ils amèneraient en premier sur Mars, quoi. C'est quelques anecdotes. En tant que gardien, je suis un peu le concierge ici, donc je connais tout, comme dans les hôtels, c'est 4 étoiles. C'est le mec qui gère tout, il sait tout, sur qui fait quoi, qui couche avec qui et tout. Alors, qui couche avec qui? Ah, vous n'enregistrez pas, mais il y a eu des demandes, hein, de manip qui concernent le sujet aussi, hein, mais ça a toujours été refusé, forcément, mais il y a eu des demandes un peu farfelues aussi, de temps en temps. Après, il n'y a pas eu que des scientifiques, il y a une artiste qui est venue faire une danse, hein, faire des performances, hein, Jeanne Morel, elle s'appelait. Donc il y a aussi des projets extra-scientifiques de temps en temps. C'est bon, j'ai rempli la cassette. Ah ben, je vous présente Olivier, notre homme en orange. On peut pas le rater. Hein. On les peint comme ça pour pas les perdre. Olivier qui sera avec nous pour assurer la sécurité des passagers. Voilà. Alors, faites très attention à ce monsieur. Un petit peu votre ange gardien, donc si vous avez le moindre problème, je serai là pour vous. Voilà. Vous êtes l'hôtesse de l'air alors en fait. Un peu spécial, ouais. Ouais, une hôtesse de l'air un peu spéciale. Ouais, ouais. Avec un peu plus de poils et. Et distribuer un peu moins bien le café, moi je trouve. C'est une première en fait pour pas mal de gens. Donc la première parabole, on regarde bien les gens pour savoir leur réaction. Il y a des gens qui commencent à paniquer ou qui battent à des pieds ou des bras. Il y en a qui sont zen. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Hein. C'est plus de l'euphorie quelquefois. Et c'est vraiment, vu que c'est indescriptible comme sensation, c'est une sensation qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Les gens explosent en sentiments une fois la première parabole. Et qu'est-ce que vous faites dans la vraie vie alors? Alors moi je suis militaire dans l'armée de l'air. Moi je travaille au sein du ministère des armées, donc dans les essais en vol. Julie, oui. Quand même une carte d'embarquement. Et vous avez un numéro de siège qui est indiqué dessus, qui vous permettra de vous asseoir à la bonne place, à l'aller et au retour. Je crois que c'est la seule carte d'embarquement dans votre vie où il y a marqué le point de départ et le point d'arrivée, c'est le même endroit. Jean-François Clairvoy. Vous avez 45 minutes pour accéder à l'avion par groupe. Et nous prendrons des photos avec moi au pied de l'avion. Mais pour accéder à l'avion, il faut passer la sécurité, la même qu'à l'aéroport. À 10h, on ferme les portes. Ceux qui doivent voler doivent être dans l'avion. Le vol dure environ 2 heures. Après, on a un petit cocktail champagne au pied de l'avion. Après le déjeuner, la remise des diplômes. Et vous pourrez assister à un diaporama de photos dans cette salle. Je vous donne après, hein, pour ceux qui sont encore là pendant 1 heure, je vous explique... ce que c'est que le métier d'astronaute, comment on est sélectionné, préparé, qu'est-ce qu'on fait dans l'espace. Et puis voilà, vers 4h de l'après-midi, c'est la fin de la journée, et là vous serez rempli d'informations, de sensations, d'émotions. Et vous allez voir, vous allez repartir avec la banane jusqu'aux oreilles. Voilà, j'appelle Eric, notre commandant de bord, qui va vous expliquer la magie de ce vol. Vue du cockpit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois encore à Mérignac et à bord de notre bel avion. Il y a plusieurs façons de faire de la chute libre. Imaginez une boule de pétanque, si vous la lâchez juste par terre, elle va tomber, ça ne va pas durer longtemps. Si vous voulez durer, la laisser en l'air le plus longtemps possible et vous la lancer loin et haut. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec l'avion et c'est pour ça qu'on fait cette manœuvre. On va chercher à prendre un angle de cabret, le meilleur compromis entre le cabret et la vitesse de l'avion. Et c'est pour ça qu'on va monter jusqu'à 50 degrés de cabré avant de commencer la manœuvre pendant laquelle on sera en chute. Bien qu'on soit encore en montée, on va commencer à chuter. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si vous étiez donc largué de l'avion, en train de tomber. Et l'avion ne sera plus qu'un cocon qui va vous protéger de la résistance de l'air. Et vous récupérez à la fin de la manœuvre à 40 degrés de piqué pour faire une ressource et rejoindre les conditions initiales. Donc on va partir d'une altitude moyenne pour ce type d'avion, c'est le niveau 200 pour les spécialistes, ça fait 6000 mètres d'altitude à peu près, à la vitesse maximale de l'avion pour optimiser encore une fois ce temps de 0G. On va cabrer donc pendant une première période de 20 secondes, vous allez ressentir à peu près deux fois votre poids puisqu'on va prendre un facteur de charge de 1,8. C'est un petit peu inconfortable, la meilleure façon de résister c'est de s'allonger et de ne pas bouger la tête. Et à partir de 50 degrés, on commencera le zéro pendant une vingtaine de secondes, un peu plus, jusqu'à moins 40, où on fera la ressource qui va durer là aussi une vingtaine de secondes, 1,8G, où il vaut mieux être allongé. Pour bien suivre cette manœuvre et l'anticiper, on va vous faire des annonces, hein, comme un tout avion commercial. On va vous avertir une minute avant la ressource, puis 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, un petit décompte final, et on annoncera pull-up, et là c'est le début de la ressource. Pour suivre le cabré, on va vous annoncer, passant 30 degrés de cabré, on annoncera 30, puis 40, et arrivé à 50, on annoncera injection, c'est le début de la phase de microgravité. Ensuite, une fois qu'on rétablit l'avion, et en vol stabilisé, on annoncera steady flight, donc c'est le moment où vous pouvez vous rasseoir, vous relever, et le moment pour vos instructeurs de vous parler de la parabole suivante. La phase de 1,8G, on a l'impression d'être dans la peau du pilote en fait là. On est assis aux commandes et on prend 1,8G. C'est super confortable. Si tout se passe bien, voilà, parabole suivante, tu peux effectivement tenter de faire. Alors la ressource déjà évidemment, la ressource d'entrée ou la ressource de sortie, debout, en tenant par exemple la main courante, et là c'est super stable. Tu verras que en contractant bien les abdos, il faut être dynamique, hein, faut être un petit peu, faut gainer. Bah, c'est super confortable et ça passe très bien. Voilà. Donc pour les curieux, la fin du vol, voilà. Ça c'est quelque chose à essayer. Sébastien, on a nos pilotes qui trépignent d'impatience à l'idée de décoller. Donc je voulais vous inviter à vous asseoir. Et pour les accompagnants, nous serons assis à droite de l'appareil, donc à notre gauche, en revenant vers l'arrière. But you have your seat number on your boarding pass, so please, it's time to go and sit down. Martienne et lunaire, ce qui est super sympa à faire, c'est de tenter de traverser la cabine d'un bond en pesanteur lunaire. Donc encore une fois, on se laisse partir vers l'avant et au dernier moment, on pousse vers l'avant. Là, vous pouvez sans problème traverser la cabine. Vous pouvez aussi tourner bras dessous à la façon des Dupont et Dupont hein, sur la Lune. En pesanteur martienne, les pompes, ça marche super bien. Vous pouvez tenter aussi pour les gymnastes, là, salto avant, salto arrière. C'est super sympa à faire, on a l'impression d'être médaille d'or des Jeux Olympiques. Et voilà, vous êtes sur Mars, c'est parti. Parabole zen, c'est vous vous laissez aller totalement, sans effort, sans contracter vos muscles, sans vous propulser pendant toute une parabole. Le but, c'est vraiment de prendre conscience de cette absence de sensation, donc de découvrir la sensation de non-sensation. C'est vraiment à part. Parce que vous allez voir, vous serez tenté de tout le temps faire des mouvements, d'être hyperactif, et ça vous prive un petit peu de cette absence de sensation. La parabole zen, le but, c'est de finir de lâcher prise et de vous laisser aller. C'est pour ça qu'on ne vous le propose pas au tout début des vols des paraboles 0G, mais en milieu de période, pour vous détendre un peu et vous faire apprécier vraiment cette sensation. La fusée coupe les moteurs et vous êtes dans l'espace. Génial, tranquille. Et là, lâche. Voilà. Lâche, voilà. Super. Allez, attention. Tu te prépares, pied au sol. La chauve-souris, c'est injection, vous vous retournez, pied au plafond, et vous regardez le monde à l'envers. Et vous allez voir, c'est très déroutant. Parce qu'au moment où on se met à l'envers, on ne sait plus si on regarde vers l'avant ou vers l'arrière de l'avion. Et en fin de parabole, il peut arriver qu'on ait une impression d'inversion, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est à l'endroit, alors qu'en fait, on est toujours pied au plafond. Et nous, là, bah, du coup, on vient vous chercher. Hein. Parce que le lustre en 0G, ça marche, mais à 2G, l'ampoule, elle finit toujours par retomber par terre. Hein. Superman, vous allez partir sur le ventre. Donc là, la phase d'hyperpesanteur, elle sera sur le ventre. Regarde, et là, en fait, tu vas mettre tes mains ici au niveau du tapis. Ouais. Et en agrippant le tapis, à l'injection, on va compter 1, 2, 3. C'est la phase de transition hein, entre la phase d'hyperpesanteur et le 0G. Et à 3 secondes, là, tu vas tirer très fort sur les mains et tu vas partir en face en vol Superman. Ne poussez pas trop fort, ça sert à rien. Vous allez traverser la cabine en 2 secondes et vous allez percuter quelqu'un ou la paroi en face. Donc, allez-y tout doucement. Profitez-en pour être cool. Lourd. Ah, au retour. Maintenant, ouais, ah, ouais, ouais. Oui. Mais déjà, sur les phases de décélération, etc., bien sûr, on sent lourd. Mais là, les pieds sur terre, on sent très lourd. Mmh. Et très rapide. Et aussi. C'était compliqué, les phases de récupération, là, avec on se prend léger Au début, oui, sur les accélérations. Forcément. En restant forcément allongé, c'est parfait. Et après, à partir de la deuxième, troisième série, là, on commence à être assis, debout. Et c'est vrai qu'on se sent, s'enfoncer dans le plancher, en fait. Hein. C'est puissant, quoi. Mais c'est, là, j'essaie de l'expliquer, mais c'est indescriptible. C'est indescriptible. La sensation, elle est indescriptible. Magique. Ça se voit dans ses yeux, je crois, non? Ouais. Les yeux pétillants. C'est magique. À boire du champagne, ça va passer. Ouais. Bon, on vous laisse atterrir un petit peu. Alors, Sylvain. Oui, bah ça y est, c'est fait. D'abord, il y a la première parabole, qui est quand même la grosse découverte de la sensation. C'est un peu ça. Moi, j'ai vraiment adoré, c'est les premières paraboles, c'est Mars et ensuite la Lune. Et j'ai eu tout de suite des images des astronautes qui marchaient sur la Lune. Là, et, enfin, j'ai eu cette sensation. De partager ce moment-là qui est assez court, mais ça, c'était vraiment grandiose. Et alors, quand vous faites justement un sixième ou un tiers de votre poids, vous sentez vraiment la différence ? Ben, oui, en fait, c'est surtout qu'on flotte. Nous parlons même sur la Lune, la parabole lunaire. Le moindre pas, tout de suite, c'est des petits bonds, quoi. Et si on réussit à faire des petits bonds, alors ? Oui, même il fallait faire attention de ne pas pousser trop fort pour ne pas monter au plafond. Quoi. C'est incroyable de pouvoir marcher au plafond, par exemple. Et puis on a eu le droit à quelques expériences qui étaient intéressantes, notamment avec de l'eau qui a été projetée, qui arrivait en boule comme ça vers nous. Donc ça, c'était vraiment, vraiment top. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Hey, j'ai pas été trop malade. Et alors vous êtes un vrai astronaute, vous vous lassez pas en fait. Là, vous venez de voler encore, vous avez le même regard que... Ah mais c'est très ludique, la pesanteur. C'est pas ce qui émeut le plus profondément un astronaute par rapport à la vue de la Terre, par exemple, ce qu'on appelle l'overview effect. Mais l'environnement d'apesanteur qui vous fait ne plus sentir votre poids, ni même votre corps, au point que vous oubliez que vous avez un corps, vous regardez la Terre en flottant, On se pince comme ça, on se dit ah, qu'est-ce que c'est beau, et tout ça, c'est ludique. Et quand on revient, on est frustré de pas avoir d'apesanteur chez soi. Et puis c'est bon, c'est ludique, donc on peut inventer des activités, des jeux impossibles sur Terre. C'est quoi votre jeu préféré alors ? Moi ici dans l'avion, c'est me mettre tout de suite à l'envers, assis au plafond, et me convaincre très facilement, instantanément, je suis à l'endroit, assis au fond de la cale d'un bateau, courbe, et puis il y a des personnes qui sont pendues au plafond. Après, en gravité martienne, vous pouvez tenir l'équerre sur trois doigts à gauche, trois doigts à droite, en levant les jambes avec pas forcément beaucoup d'abdominaux, et donner des images impressionnantes d'un gymnaste super costaud, quoi. Vous avez essayé de soulever le dessinateur de Largo Winch oh avec un doigt. Ah, c'est extraordinaire. Alors, ça ressemble au dessin ? Ah non, c'est beaucoup mieux que le dessin. Ah oui ? Oui. Oui, franchement, en dessin, j'ai beau m'imaginer les choses. J'ai vu Gravity, j'ai vu plein de films sur le sujet, Interstellar, Apollo 13. Au cinéma, comme en bande dessinée, quand on travaille sur le sujet, on n'a malheureusement pas les sensations. Mais là, là, c'est fort. C'est simple, la pesanteur, c'est quand on ne sent plus son poids et qu'on flotte librement, sans être attiré ni vers le haut ni vers le bas. Imaginez, votre masse, c'est une quantité de fluide. Vous avez un robinet sur le côté du bassin, là. Vous l'ouvrez et votre poids s'échappe. Parce que la transition de l'hypergravité à l'apesanteur n'est pas instantanée. Ça prend 2-3 secondes. Pendant ces 2-3 secondes, vous passez de je me sens très très lourd, ah, tiens, je m'allège complètement, hop, puis je décolle naturellement du sol sans rien faire. Donc on leur demande, pour certaines paraboles, restez sur le plancher, attendez que tout seul, une petite pointe de négative, parce qu'il y a toujours un chouïa de négative, donc, ben, vous l'évite. Voilà, vous faites de la lévitation. Et après, vous pouvez réfléchir à ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit, et pourquoi, et... Mais c'est le fait de le partager, c'est très important. Tout seul, c'est sympa, mais c'est pas aussi sympa que quand vous le partagez et que vous voyez toutes les personnes autour de vous qui éclatent de rire, qui crient. C'était Vol en 0G avec Franck Lehaut, Sébastien Rouquette, Mille Melville, Jean-François Clairvoy, Océane Le Gulque, Gwen Lemoine et Olivier Deluja, Frédéric Béraud et Philippe Franck. Merci à toute l'équipe Avico, Novespace, R0G. Un clin d'œil au capitaine Haddock et à l'oncle Joe. Et merci à tous les passagers du vol numéro 36 de Bordeaux-Mérignac à Bordeaux-Mérignac. Sorti. Ejection. 20. 10. 5. 3. 2. 1. Pull up. Sorti. Mixage Pierre Henry, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Lydia Benitzrak. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter avant le décollage, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, le CNES a 60 ans. Mais en attendant, restez à l'écoute.